umgekehrten Verhältnis zum Wirtschaftswachstum. Karl Marx, das Kapital. Kurzfassung aller drei Bände. Erschienen im Verlag für Wissenschaft und Forschung Berlin, erste Auflage 2002. Herausgegeben, kommentiert und vorgetragen von Wahl Buchenberg. Kürzerer Zeit mehr Menschen mit der Marx'schen Kritik des Kapitalismus vertraut zu machen, wurde diese Kurzfassung aller drei Kapitalbände erstellt, die auf die Vertiefung von Einzelfragen verzichtet, aber den vollständigen Gedankengang von Marx zur Bearbeitung des Textes. Wo es dem Verständnis dient, wurden veraltete Fremdwörter, alte Maßeinheiten und teilweise auch Zahlenbeispiele modernisiert. Karl Marx hatte mit den Gewichten und Preisen seiner Zeit selbst für die von ihm herausgegebene dritte deutsche Auflage von 1893 It was the first time that I'd ever been in a town where the working class was in the saddle. Practically every building of any type had been seized by the workers, and the freight with red flags or with the red and black flags of the anarchists. Unter solchen Umständen waren englische Maßeinheiten selbstverständlich für ein Buch, das seine tatsächlichen Belege fast ausschließlich als englische industrielle Verhältnisse zu nehmen gewöhnt. Dieser letzte Grund bleibt auch noch heute entscheidend, umso mehr, als die bezüglichen Verhältnisse auf dem Weltmarkt sich kaum geändert haben, namentlich für die ausschlaggebende Industrie, so war es, englisches Maß und Gewicht noch heute fast ausschließlich. Almost my first experience was receiving a lecture from a hotel manager of a Chinese restaurant. There were no private motorcars. They had all been commandeered and all the trams and taxis and much of the other trams were painted red and black. The revolutionary posters were everywhere, flaming from the walls in clean red and blue that made the few remaining advertisements look like daubs and mud. Down the ramble of the wide central artery of the town, where crowds of people screamed constantly to and fro, the loud speakers were bellowing revolutionary songs all day and firing the night. And it was the aspect of the crown that was the clearest thing of all. In outward appearance, it was a town in which the wealthy classes had practically ceased to exist, except for a small number of women and foreigners. There were no well-dressed people at all. Practically everyone wore rough working class clothes, blue overalls, or some variant of the Mr. Uniform. Now, behind this famous description was a very profound, deep social revolution. One of the most important experiments of working class power that we've seen in the 20th century, and therefore of great interest when we talk about other forms of democracy. What we really mean by democracy, what we mean by people taking control of their lives. Now, in order to talk about the revolution in Barcelona, I'm just going to say firstly a few things about the working class movement in the 60s. Don't understand that, very hard to understand the nature of the movement, and also why it was defeated. Now, Barcelona was the most advanced in Spain in every century, for a long time. Benjamin sieht die Theologie genau auf, um diesen Schein zu zerschlagen, um all diese Pseudo-Religionen, die sich immer wieder unversehens festsetzen, zu verbreiten. Seine Theologie ist... Zum Abschluss lese ich noch eine Geschichte, wo die Miguel selber vorgeführt wird. Sie war groß und an den Sonnenstellen. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, v Es sieht so aus, dass der Begriff der Anarchie bei Marx in einem durchaus kritischen Sinn verwandt wird, das wissen wir alle. Aber dabei bedeutet diese Kritik so viel wie Anarchie der Warenproduktion. Das heißt also einen Zustand, in dem die Menschen den über sie gesellschaftlichen Gesamtprozess als ein für jeden Einzelnen blindes und zufälliges Erfahren. Aber calmement, entre guillemets, parce qu'on avait quelques pétards qui ont sonné, mais rien de dramatique. Pendant la manifestation, il y a eu un service d'ordre qui a été créé. On a déploré aussi que les services de police n'étaient pas là pour nous pour cadrer la manifestation. Or, qu'on a... Okay, right, fine, I'm gonna have to get undercover, right? Bye! right, that's insane. Γιώργο Κακούς που βρίσκεται στην ομόνια. Πάει να παλοφιάσει από εκεί, δεν είδες. Έλα, έλα, έλα. Τώρα εξαρχαία είμαστε. Να, τώρα, στα καρά τραβάει καλύτερα. Πάμε. Από εδώ θα πας ρε μαλέκα. Κόσμο έχει. Πάτσε για από εδώ ρε μαλέκα. Είπα άμα μας ρωτήσουν τίποτα. Κάτσε λίγο να τραβήξω. Opa, é pegada. Finit par mener la guerre pour son propre compte. Fait que j'aurais pas sauté le cinéma, c'est bien écrit. Explicitement proclamé dans la réalité inversée du spectacle. Justement, parce que sa volonté effective est rongée par les marchands sous-développés et qu'une pseudo-justification devient nécessaire à la cause. Le résultat constate. Et donc de la répression morale qu'elles assurent, peuvent se combiner comme une même chose avec l'affirmation redondante de la jouissance de ce monde n'étant justement produit qu'en tant que pseudo-jouissance qui garde en elle la répression. À l'acceptation béate de ce qui existe peut aussi se joindre comme une même chose la révolte purement spectaculaire. Ceci traduit ce simple fait Κάτσε από εδώ το Πολυτεχνείο, είναι από εκεί που βγαίνουν. Εκεί που ήμασταν. Φίλε, μη προκαλέσουμε. En concentrant en elle l'image d'un rôle possible, la vedette, la représentation spectaculaire de notre vivant, concentre donc cette vedette. La condition de vedette. Gesellschaft notwendig, über die durch das steigende Elend der Arbeiter bedingte Solidarität sein muss. Diese Gesellschaft, in der wir leben, verelendet nicht die Arbeiter, sondern hilft ihnen zu einem besseren Dasein. Und außerdem hat der Marx gar nicht gesehen, dass Freiheit und Gerechtigkeit dialektische Begriffe sind. Je mehr Freiheit, desto weniger Gerechtigkeit. Und je mehr Gerechtigkeit, desto weniger Freiheit. Der kritischen Theorie, wie sie dann auch später noch entwickelt hat, liegt der Gedanke zugrunde, dass man das, was gut ist, also die freie Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, nicht bestimmt. Dazu fehlt es uns. Aber wir können die negativen Züge dieser Gesellschaft, it began here in the notorious neighborhood of Exarchia. This not the first time these streets have seen pitched battles between police and anarchists. But it's rare for the fighting to spread across the city center with so much destruction. Protests must end. Simplement dans le temps que tu passes l'usine, ça se passe dans le temps que tu passes les transports, dans le temps que tu passes l'école, dans le temps que tu passes dans la reproduction familiale, dans le temps que tu passes dans la reproduction générale de la société, dans tout le, dans le temps que tu rêves. Exploitation no longer just takes place at the factory. Exploitation now takes place when you're traveling to work. Exploitation now takes place during the reproduction of the whole of society. Et la résistance, ça se passe à travers tous ces points-là. Dans tous ces moments, ça se passe la résistance. Et ça hégémonie théorique devant la tradition de certaines fois héroïques, d'autres fois horribles. More than 20 years of prison and exile, Mrs. Weaver crossed the experiences of the Italian philosopher Antonio Negri since his release. In the 60s, the agitated front of the time put to shame. Today, he is considered one of the leading intellectuals of the anti-globalization movement. In his world bestseller Empire, which he co-authored with American literature professor Michael Hart, Negri promises the possibility of revolt in a globalized world. This film tells the story of an intellectual who has been admired as a philosopher and visionary and condemned as a terrorist and enemy of the state. Meanwhile, Empire, the book Negri co-authored with Michael Hart, is published in the United States. It becomes a world bestseller and is celebrated as the Communist Manifesto of the 21st century. Negri and Hart have devised a new political vocabulary and outlined a vision of revolt in the globalized world. At the same time, the anti-globalization movement grabs the world's attention, first in Seattle and then in Genoa. In this context, Negri and Hart's work appears to offer theoretical reflection on the unfolding events. The Empire does not fortify its boundaries to push others away, but rather pulls them within its specific order, like a powerful vortex. With boundaries and differences suppressed or set aside, the Empire is a kind of smooth space across which subjectivities glide without substantial resistance or conflict. Non me lo ricordo molto bene, il primo giorno che lui è uscito in permesso che era un permesso di 3 giorni arcicontrollato con i poliziotti ovunque, la gente, un agente in borghese dietro di noi sempre, eccetera, eccetera. Impressionante quando la gente mi salutava per strada. E poi questo sì, perché io avevo paura che ci fossero, per molto tempo ancora adesso ogni tanto, però sempre di meno, ho avuto paura che ci fossero reazioni violente, perché c'erano talmente tante reazioni politiche ignobili sulla strada, cioè continua la gente a dire 30.000 euro, però è stata molto così, una cosa che a me mi rendeva oltre che impazzita, ma cioè, mi fa venire la nausea. Negri can neither teach nor exercise his right to vote in Italy. But overnight he has become a highly acclaimed speaker around the world. La policía acorralada entre llamas en unas calles dominadas por cócteles Molotov y manifestantes que se crecen en su pulso contra los antidisturbios. Atenas es suya, lo demuestran así. O dejando una destrucción propia de una guerra. Hay más de 200 locales comerciales y bancos arrasados, calcinados. Los bomberos han tenido que rescatar a varias personas que han quedado atrapadas en edificios en llamas ante la mirada de los que no se lo terminan de creer. Tesalónica, Rodas o Tricala honran también al joven Alexandros Grigoropoulos con la misma ira. Hoy se celebran los funerales por el chico cuya muerte por el disparo de un policía encendió las algaradas. El caos promete volver este martes con varias concentraciones y manifestaciones convocadas por asociaciones de ciudadanos que piden justicia, pero que de momento, ya lo ven, la ejercen ellos. We do not support the looting and vandalism, but we do support the protest, the peaceful protest. There is only a small minority of people that resort to such measures like breaking and looting. This is not the majority of people, just want justice. The violence had raged through the previous night. It began here in the notorious neighborhood. Νεαροί έχουν ανέβει στην ταράτσα πολυκατοικία στην Πατησίων και πετούν βόμβες μολότοφ στους αστυνομικούς. Οι οδομαχίες γενικεύονται. Οι άγνωστοι τοποθετούν κάδους απορριμμάτων κάθετα στο οδόστρωμα και βάζουν φωτιά. Ο κλεφτοπόλεμος συνεχίστηκε το βράδυ σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Στο Πολυτεχνείο νεαροί έχουν κάνει κατάληψη. Όμως επεισοδιακή ήταν η νύχτα και σε άλλες πόλεις στην επαρχία. Το κέντρο του Ηρακλείου θύμιζε χθες βράδυ πεδίο μάχης. Πάνω από 10 υποκαταστήματα τραπεζών καταστράφηκαν. Πρώτη φορά που εγώ έχω 4 χρόνια εδώ διευθύντρια, πρώτη φορά. Πήγανε μέσα, πήρανε και την προπολογιστή και τα ή μόνο σπάσανε. Δεν πιστεύω, μόνο σπάσανε. Τα ATM, τα τζάμια όλα. Όλα, όλα. Τζάμια, πόρτες, ATM. Και στα Γιάννενα όμως 11 τράπεζες έγιναν στόχος αγνώστων. Ζημιές προκλήθηκαν σε 2 αυτοκίνητα και ένα κατάστημα. Είναι πάρα πολύ κακή η κατάσταση. Όπως βλέπετε, έχουν κατεβάσει ολόκληρη τη βιτρίνα, μας έχουν καταστρέψει το ATM. By the shooting death of a Greek teenager, rioters have taken to the streets of Greece for 4 straight nights, overturning vehicles, burning barricades, and battling with police. The riots are the worst this country has seen in 25 years. Labor unions have strongly condemned the killing of the teen, and his funeral was held Tuesday. 180 voitures gisant sur la chaussée. Paris, par le plus navrant des petits matins, faisait le bilan de la nuit dramatique du quartier latin. 367 blessés, dont une vingtaine dans un état grave. Neuf jours plus tôt, à la faculté de Nanterre, à la suite de l'agitation de groupes d'étudiants, des cours avaient été suspendus, ce qui équivalait à une fermeture. Le lendemain, à 17h, la police était appelée à la Sorbonne. La décision déclenchait la colère des étudiants. Parmi les joueurs, ces gardes mobiles avaient pris place au quartier latin. L'escalade était engagée, une semaine pitoyable commence. Daniel Cohn-Bendit et sept autres étudiants de Nanterre comparaissent devant le conseil de discipline à la Sorbonne. La manifestation organisée par le maître s'enfuit. C'est l'affrontement. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. La manifestation fera 600 blessés. Il y aura 422 arrestations, dont 31 maintenues. Une nouvelle manifestation organisée pour protester contre la fermeture de la Sorbonne et les arrestations groupe 20 000 étudiants. Les défilés dans Paris durent 5 heures sans incident. L'UNEF et le SNESUP ont donné rendez-vous aux étudiants à 18h30 à la Halle aux Vins. Au milieu des étudiants, un prix Nobel, Alfred Kastler. À l'Assemblée nationale, le ministre, M. Perfit, a envisagé la réouverture des facultés. Il est clair que ce qui s'agit de l'apprendre, ce ne sont pas des manifestations de violence dans les amphithéâtres. Une telle injure ne peut pas être prise dans un climat de désordre et de violence. Au quartier latin, le préfet de police est venu vérifier le dispositif de l'intervention de la Sorbonne. Mais la manifestation s'achève sans incident. À la Sorbonne, le recteur Jean Roche annonce que la reprise des cours ne pourra se faire que progressivement. La Sorbonne reste fermée et gardée. Assis sur la chaussée, 3000 étudiants déçus écoutent les commentaires de Daniel Cohn-Bendit. C'est la journée de la déception. La faculté de Nanterre est ouverte. Peu de cours, peu de lettres. Les étudiants n'ont pas cherché à occuper la fac. Le calme règne. La Sorbonne, quant à elle, est toujours bien gardée. À 18h30, il y a 30 000 manifestants place d'Enfer-Rochereau. Les étudiants se sont joints des lycéens. Le dispositif, cependant, est renforcé à la Sorbonne. Les milliers de policiers quadrillent systématiquement les alentours. À Enfer, un mot d'ordre a été lancé. Les manifestants sont décidés à ne pas céder le terrain avant d'avoir obtenu satisfaction. Oh, placée par le CRS les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent avec tout l'acharnement de la jeunesse et de la conviction. C'est une véritable bataille pour les Gafas. Les gens de la Comagène, dont on parlera longtemps, explosent. Et tout au long de la nuit, les secours de blessés font grand travail. Eine Parallele vom Alexanderplatz zur bundesrepublikanischen Gegenwart? Also ich bin sicher, dass eine so genaue Beschreibung der Weimarer Republik wie der Alexanderplatz es ist, irgendetwas mit unserer Republik zu tun hat, von der ich eben glaube, dass sie auf einem Weg nach rechts ist, wie die Weimarer Republik es auch gewesen ist. Insofern denke ich doch, dass es Parallelen gibt. Das lässt sich sicherlich im Einzelnen widerlegen, wenn man will, aber im großen politischen Ablauf, glaube ich, ist die Tendenz doch so. Ich werde weiterhin versuchen, auf zumindest den Zuschauer für eben diesen Trend nach rechts zu sensibilisieren, dass er den eben nicht so simpel und schlicht und bewusstlos mitmacht, wie das mal gewesen ist. Der Zwiespalt zwischen persönlichem Leben und politischem Anspruch blieb, verschlimmerte sich noch durch ihre neue Rolle als alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern. Sie fühlte sich überfordert, quälte sich bis zur Verzweiflung. Ein Miteinander haben, sind unheimlich politisch, weil sie etwas darüber aussagen, ob Menschen unterdrückt sind oder frei sind, ob sie Gedanken fassen können oder ob sie keine Gedanken fassen können, ob sie etwas tun können oder nichts tun können. Vor dem Bedürfnis der Kinder her gesehen, ist die Familie, beziehungsweise, ja, ist die Familie, die ist der stabile Ort mit stabilen menschlichen Beziehungen, notwendig, unerlässlich. Schwer. Schwer, unheimlich schwer. Na, ist schwer. Ist unheimlich schwer. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man ein Mann ist. Und wenn man also eine Frau hat, die sich um die Kinder kümmert, das geht in Ordnung. Und die Kinder brauchen ja wirklich stabile Verhältnisse und eine Zeit. Und wenn man eine Frau ist und also keine Frau hat, die das für einen übernimmt, muss man das alles selber machen. Und es ist unheimlich schwer. Also muss das Problem was executed. We do not know how. But we know who is responsible, and we can define the calculations of the methods. Also nach meiner Erinnerung stammt so. Und hatte in societies where modern conditions of production all of life presents itself as an immense accumulation of spectacles. Everything that was vertritt sie heftiger als andere. Wegen ihrer Prominenz gilt sie als eine der Stimmen der Studentenbewegung. Sie wird sogar zu einer Diskussion eingeladen, um die Positionen der APO zu verteidigen. Cependant, le dégel s'amorçait sérieusement sur le front des vagues. Les accords d'entreprise avaient joué à la RATP et les autobus sortaient des dépôts pour reprendre contact avec la chaussée parisienne où on ne les avait pas vus depuis longtemps. Les stations de métro ouvraient leurs portes. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? On allait retrouver au matin le cortège des écoliers. Alors que la reprise restait limitée dans les lycées et collèges, elle était quasi générale dans les écoles primaires. La situation était moins claire du côté des grands magasins parisiens, où il s'avérait que malgré plusieurs tentatives, les portes avaient quelques difficultés à s'ouvrir. Les conseils ouvriers seront réalisés dans l'autogestion généralisée. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire avant ça ? Eh bien... On ne combat pas l'aliénation par des moyens aliénés. Okay, right, fine, I'm gonna have to get under cover. Bye. T'en fais pas, ça ira. moi toujours servir. Pas pour des grèves, pas pour les occupations du sud. Ils vont bien aussi finir sur le sud. À l'Amazon. Μόνο αυτό ξέρετε να κάνετε. Μόνο αυτό ξέρετε να κάνετε. Παλιοαδερφές. Παλιοαδερφές. Εντολή περιμένετε να μας χτυπήσετε. Fini pour les pillages des grands surfaces. Le travail, voilà votre seul rôle. Travail, famille, patrie, travail, famille, patrie, ne sortez pas de là. Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Sinon, je vous envoie mes sociologues, et s'il le faut, mes psychiatres, mes urbanistes, mes architectes, mes Foucault, mes Lacan. Et si cela ne vous suffit pas, je vous envoie même un structuraliste. cosas se hacían. Y se discutían entre todos, mira tal cosa y eso, sí, y lo otro, y nada, la gente iba montando una llamada sobre lo que estaba presente ahí. Y era una reacción simultánea, colectiva y rápida. Y dice, pero no se olvida de tal cosa, ah bueno, diga, no, ya va. Al comité de ocupación tuve una asamblea un poco viendo qué pasaba ahí y tal, pero ya la Sorbona se había convertido en una, era muy bueno para entrar, para mí era una novedad, los frescos que estaban pintados que decía la humanidad no será feliz sino cuando el último capitalista se ahorcado con las tripas del último burócrata, los cuadros, una policía que visita en civil, cuidado, y había muy simpático todo. Tenía hambre porque no había podido comer y entonces había una gente que vino a sándwiches y yo le dije que si me aceptaban francos belgas, me dijo que no tenía. Entonces, ah bueno, pues no tengo plata, me dijo, pero no por eso dejarás de comer, come. Y primera vez que en Francia alguien me daba algo gratis. Some fucked up shit. Um dieses Satzes und bei der Befolgung dieses Satzes übersieht man, dass eine Welt aussetzt, eine Änderung der Weltvorstellung nur zu gewinnen ist dadurch, dass man die Welt. Das heißt, Marx fußt auf bestimmten Sophie gesprochen. Nun eine Philosophie. Ich habe sie delegiert, als ich gewählt habe. Und wir haben ja Parteien da. Und ich gehe eigentlich immer noch davon aus, dass in diesen Parteien, von denen ich eine gewählt habe, die Vernunft sich breit macht. Davon gehe ich eigentlich aus. Die Vernunft muss von oben herkommen. Also zumindest dein Demokratieverständnis müsste doch... verstehe, dass es Grund gibt, sich aufzuregen über vieles, was passiert. Und dass Kritik geübt werden muss. Du sagst, du würdest den Leuten nicht mal empfehlen, zu diskutieren jetzt. Im Augenblick nicht, nein. Ja, damit lehnst du aber die Demokratie ab. It should take place. Citizens. Siempre pensando que eso era una cuestión fraccionada, pequeña, en fin, interesante, pero cuando llego y salgo a las 8 de la noche en la Gare du Nord y no hay ni un solo carro en las calles, el país está vacío, desierto. Cruzo al hotel y quiero que me cambie el banco belga, me dice que no hay cambio porque los bancos están cerrados. Y luego tengo mis dólares de reserva escondidos en los dobleces de la chaqueta y le digo, ¿y dólares? Tampoco. Y digo, hombre, ya que no cambian dólares, la cosa está poniendo así. Y me he ido caminando hacia el río, hacia la Sorbona, que me habían dicho que estaban ahí, y a medida que iba caminando iba encontrando pedazos de barricada, olor a quemado, una primera inscripción que decía L'ennui pleure, el fastidio llora, dije, en rojo muy grande sobre la puerta de una fabriquita. Luego una que decía el cóctel Molotov tiene la palabra, y luego más adelante una que decía viva la comuna, y más adelante ni Dios ni amo. Hombre, dije, esta cosa se anuncia bien, y había un ruido. No habían coches, casi no habían coches, sino coches de policía. Y un ruido raro, que a medida que me iba acercando sonaba, que era la gente que estaba quitando los pavés. Plin, plin, plin, plin, ese ruido que se daba en algunas zonas. Y llegué, pues nada, dije, aquí la cosa es en serio. Y llegué a Castelatán, en el San Michel, la cosa, había arena, no había calle, había arena, árboles caídos. Yo luego me enteré que había sido Vienne, que los había cortado. Y luego dije, pero aquí no tiene que haber mucha violencia, lo que parecía. No hubo tiro, no entiendo cuándo fue esto, cuando yo estaba en el tren. Y vi un primer impacto de obús, como si hubiera caído una bomba, un obús o un tiro de cañón o algo así en la calle, un gran agujero, un cráter enorme. Y dije, ¿y esto? Pero no había metralla en las paredes ni nada. Entonces me asomé y vi que había una escalera al fondo y dije, ah, esta es una entrada de metro, coño. Y me di cuenta de la violencia y la furia que hacía falta. Y dije, coño, pues aquí la cosa es en serio, aquí esto es... actuando, esto no es una cosa estudiantil y no lo era. La tigre répond ou réagit à trois choses, trois excitants, hein, voici tout dans une nature qui est une nature immense, hein. Trois excitants, point c'est tout, c'est-à-dire elle tend vers l'extrémité du branche d'arbre, attirée vers la lumière, elle peut attendre au bout, en haut de ce branche, elle peut attendre des années sans manger, sans rien, là, complètement, à mort. Elle attend qu'un ruminant, un herbivore, une bête, passe sous sa branche. Elle se laisse tomber, donc, lorsqu'une espèce d'excitant est factible, elle sent la tigre, sent la bête qui passe sous sa branche. Pour reprendre contact avec la chaussée parisienne, vous ne les avez pas envisagées. Lumière, puis odeur. Et puis, quand elle est tombée sur le dos de la bête, elle va chercher la région où la branche lui en croit. Donc, la reprise restait limitée dans les lycées écoliers. Elle s'enfonce sur la tige. Le reste, mais c'est surtout la prononcée par un vote secret. Dire, mais l'occupation des usines continue. Dans une nature et il restait d'autres sirènes. Elle extrait, elle sélectionne trois choses. Et c'est ça ton rêve de vie? C'est ça qui t'intéresse dans les animaux. C'est ça qui fait un monde. C'est ça qui fait un monde. D'où ton rapport animal-écriture, c'est-à-dire que l'écrivain, pour toi, c'est aussi quelqu'un qui a un monde. C'est plus complexe, oui, je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres aspects, il ne faut pas l'idée de territoire. C'est les animaux à territoire, il y a des animaux sur territoire, bon. Mais les animaux à territoire, c'est concret. Parce que. De glandes anales, d'urine, de lesquelles ça dépasse beaucoup ça. Ce qui intervient dans le marquage d'un territoire, c'est une posture. Par exemple, se baisser, se lever, une série de couleurs. Les couleurs des fesses des drilles, hein, qu'ils manifestent à la frontière du territoire. Couleur, chant, posture, c'est les trois déterminations de l'art. Je veux dire, la couleur, les lignes, les postures animales sont une véritable ligne. Hein. Couleur, ligne, chant. C'est l'art à l'état pur. Et alors, moi je dis, quand ils sortent de leur territoire, leur comportement, le territoire, c'est le domaine de l'homme. Alors c'est très connu que ce soit dans le monde, c'est-à-dire mes propriétés, le territoire, c'est mes propriétés. Et sortir du territoire, moi, c'est mon truc. Il y a des bêtes qui reconnaissent leur conjoint. Ils le reconnaissent dans le territoire, mais ils ne le reconnaissent pas hors du territoire. Tout ça, c'est des merveilles. Je ne sais plus quel oiseau. Les philosophes, pour moi, ce n'est pas du tout des gens abstraits, c'est des grands écrivains, des grands auteurs très très concrets. Chez Platon, il y a une histoire qui me met dans la joie, c'est que, et qui est sans doute liée au début de la philosophie, ça, on reviendra peut-être là-dessus. Le thème de Platon, c'est. Il donne une définition. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un politique ? Le politique, c'est le pasteur des hommes. Et là-dessus, il y a plein de gens qui arrivent en disant ben, vous voyez bien, le politique, c'est nous. Par exemple, le berger arrive en disant eh ben, moi, j'habille les hommes. Je suis donc le vrai pasteur des hommes. Le boucher arrive, dit moi je nourris les hommes, c'est moi le pasteur des hommes. Les rivaux arrivent. Hein. Alors moi, j'ai fait un peu cette expérience. C'est voilà les plieurs de papier qui arrivent en disant le pli c'est nous. Les autres dont je parlais, là, qui m'envoient exactement le même type de lettres, c'est pas tant, c'est les surfeurs. À première vue, aucun rapport avec les plieurs de papier. Les surfeurs, ils disent mais. Esta on est complètement d'accord, parce que qu'est-ce qu'on fait ? On ne cesse pas de s'insinuer dans les plis de la nature. Le pli, pour nous, la nature, c'est un ensemble de plis mobiles. Alors, on s'insinue dans le pli de la vague. Habiter le pli de la vague, c'est ça notre tâche à nous. Habiter le pli de la vague, et en effet, ils en parlent admirablement, c'est des gens tout à fait. Ils pensent, ils ne se contentent pas de ce pli, ils pensent de ce qu'ils pensent. For a third night in a row, Greek police faced off against angry mobs in the streets of Acropolis on Saturday. Shot three times in the chest after a group of youths attacked a police vehicle. C'est des rencontres. J'ai rencontré les plieurs de papier. Je n'ai pas besoin de les voir, d'ailleurs. On serait déçus, sans doute je serais déçu et eux seraient encore plus déçus. Pas besoin de les voir. Mais j'ai fait une rencontre avec le sort. Pour parler d'une période culturelle précise, qui est celle du moment. Ah bah oui, je viens de le dire, les plieurs et les surfeurs, qu'est-ce que tu veux de plus beau. Mais ça, c'est pas des rencontres avec les intellectuels. Tu vois, je fais pas de rencontres avec les intellectuels. Mais est-ce que tu Ou alors, si je rencontre un intellectuel, c'est pour d'autres raisons que je l'aime et que je fais une rencontre avec lui. C'est pour ce qu'il fait, son travail actuel, son charme, tout ça. On fait des rencontres avec ces éléments-là, avec le charme des gens, avec le travail des gens, mais pas avec les gens, on n'a rien à en foutre des gens. Ah, rien du tout. En plus, ils peuvent frotter comme les chats. Oui, il y en a ça, sinon que ça, sinon que le frôlement et l'aboiement, c'est terrible. C'est toi, t'as une seconde. Une seconde. Tu dis ce que tu voudrais. Une seconde. Voilà, pardon. Vas-y, Claire. Alors, on reprend sur les périodes riches et les périodes pauvres de la culture. Ouais. Et en ce moment, tu trouves que c'est une période pas tellement riche. Enfin, je te vois très souvent t'agacer devant la télévision, devant les émissions littéraires que nous ne citerons pas, bien que dans... Au moment où ça sera diffusé, les noms seront différents. Est-ce que tu trouves que c'est une période riche ou une période particulièrement pauvre, celle que nous vivons? Bah écoute, oui, c'est pauvre. C'est pauvre, mais c'est pas du tout angoissant, oui, ça fait rire, parce que... je le disais, je dis, à mon âge, hein, je le dis, ben, c'est pas la première fois qu'il y a des périodes pauvres, quoi. Je me dis, qu'est-ce que j'ai vécu depuis que j'ai un âge de m'enthousiasmer un peu, hein. J'ai vécu la libération, ça, bon, ben, la libération, c'était la période, une des périodes les plus riches qu'on puisse imaginer. On découvrait, on redécouvrait tout. La libération, il y avait eu la guerre, etc., c'était pas rien, c'était pas de la tarte. On découvrait tout, le roman américain, Kafka, il y avait l'histoire de monde de la découverte, il y avait Sartre, on ne peut pas imaginer ce qu'a été, lire intellectuellement, ce qu'on découvrait ou redécouvrait en peinture, etc. Il faut comprendre des trucs comme la grande polémique, faut-il brûler Kafka, tout ça, c'est inimaginable, et ça paraît un peu enfantin aujourd'hui, mais...